Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Excepté le budget de l'Élysée et du Parlement, aucun secteur n'a été épargné par le plan de 10 milliards d'économies. 904 millions d'euros sont amputés au budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comment la recherche sera-t-elle impactée ? C'est le troisième secteur le plus touché par ces coupes budgétaires. Pourtant, en septembre dernier, le budget alloué à l'enseignement supérieur et à la recherche s'est vu augmenter de 1,2 milliard d'euros. Le décret du 21 février a donc provoqué un effet de sidération dans les communautés scientifiques. D'autant que nous sommes encore loin de l'objectif des 3% du PIB alloué à la recherche. La ministre Sylvie Retailleau a précisé que l'annulation de crédit n'aura pas d'effet immédiat, mais quelles seront les conséquences à plus long terme ? Politique de la recherche, peut-on faire plus avec moins ? Claire Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes informaticienne, directrice de recherche au CNRS, médaille d'argent 2019 du CNRS et membre de l'Académie des sciences. Alain Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Université Paris Sciences et Lettres et ancien président du CNRS. Et Boris Gralac, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de la recherche scientifique, le SNCSFSU. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter. Sur notre fil à science CQFD, vous y retrouverez plein de liens, plein de ressources complémentaires pour enrichir votre écoute. Ça commence tout de suite. Alors, quels seront les impacts de ces coupes budgétaires pour les différents organismes de recherche et les universités ? Comment s'est transformé le paysage de l'enseignement supérieur depuis 10 ans ? Et comment va-t-il encore évoluer ? Et peut-on parler d'une perte de vitesse de la recherche française ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour, on réécoute le discours du président de la République lors de la réception pour l'avenir de la recherche française, c'était le 7 décembre dernier. Nous avons pendant plus de décennies eu un désinvestissement trop important sur notre recherche, qui s'est traduit d'ailleurs par des reculs dans plusieurs disciplines sur les publications, des classements qui se sont dégradés. Et donc, si je devais regarder les difficultés structurelles qu'on a trouvées en 2017... C'est d'abord un sous-investissement chronique dans notre recherche. Je ne veux pas ici abreuver le chiffre, mais les rémunérations de nos chercheurs étaient inférieures de 37% à la moyenne de l'OCDE. Les crédits de l'Agence nationale de la recherche avaient diminué de 38% entre 2010 et 2015. Et nous avions atteint un taux de financement de l'ordre de 10%. Avec ces chiffres-là, il est difficile de ne pas engendrer beaucoup de frustration. Ensuite, on avait, le passé doit être partiellement corrigé, une organisation de notre recherche trop complexe, trop cloisonné, souffrant de procédures administratives trop lourdes et chronophages. Sur ce sujet, je dirais que le passé peut être encore conjugué au présent, pour partie. Troisième maladie, si je puis dire structurelle, un lien nettement dégradé entre recherche et innovation, ce qui est historiquement une faiblesse française, malgré les efforts faits par les lois ALEC, tous les travaux sur la valorisation, ce que plusieurs universités et organismes avaient essayé de bâtir. Quatrièmement, une tendance au jardin à la française et l'absence de différenciation des parcours, des universités et des organismes, qui fait que, en quelque sorte, en période de moyens limités, il y a eu un peu des moyens limités pour tout le monde, parfois sans discernement et en touchant davantage la compétitivité des équipes qui étaient le plus soumises à la compétition internationale. Et au fond, maladie du système, là aussi je ne conjuguerai pas totalement la maladie au passé, qui fait que, on demande tout le temps des rapports à des observatoires, à des systèmes d'évaluation, mais on n'en tire à peu près aucune conséquence. Voilà Emmanuel Macron en décembre 2023 et un discours devant plus de 300 chercheurs et chercheuses. Claire Mathieu, vous y étiez. Comment avez-vous reçu ce discours-là ? Effectivement, j'y étais. D'abord, je l'ai trouvé long. Il a duré à peu près une heure. Il y avait une longue liste de défauts du système français. Ce n'était pas très agréable à écouter. Je n'étais pas forcément d'accord sur tout. Et après, il y a eu un moment quand même qui n'a pas été donné ici, où il a annoncé qu'il y aurait presque 1 milliard d'euros supplémentaires qui allaient être débloqués dans les semaines à venir. Donc ça, c'était agréable à entendre quand même. C'était bien. Bon, et puis des annonces de réorganisation. Alors c'est vrai que on ne peut que être d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes de complexité administrative qui plombent l'ambiance dans les laboratoires. Ça, c'est vrai. Voilà. Et puis j'ai pas tellement été d'accord sur le fait de se fixer une échéance à 18 mois parce que dans mon expérience, les réformes qui ont été tentées souvent, il me semble qu'elles échouent parce qu'on ne leur a pas donné le temps d'être faites méticuleusement. Mais en effet, dans ce discours, Emmanuel Macron se donnait 18 mois pour réorganiser la recherche. Ça aussi, on y reviendra. Mais Alain Fuchs, vous aussi, vous étiez présent lors de ce discours. Oui, oui, absolument. Je souscris à ce que vient de dire Claire. Par contraste, j'ai quand même, je veux dire, j'ai apprécié ce discours. L'extrait en particulier que vous venez de passer me paraît juste. Je trouve que les mots sont employés très correctement. Il y a une forme de dénonciation de la bureaucratie ambiante qui est vraiment une maladie très très importante. Bureaucratie, je dirais micromanagement et absence de confiance. C'est là-dedans que nous baignons aujourd'hui. C'est les contrôles a priori, sempiternels, le micromanagement où on vous dit ce que vous devez faire avec chacune des lignes de votre subvention pour charge de service public. C'est la subvention que l'État nous donne pour fonctionner. Et au lieu de nous donner un peu d'argent, de nous faire confiance et puis de nous évaluer a posteriori. Ça, c'est ce que nous demandons à corps et à cri depuis assez longtemps. Et le fait de donner 18 mois à nos communautés et à notre système d'enseignement supérieur de recherche pour se prendre en main et proposer et réaliser un certain nombre de changements, je crois que l'idée n'est pas qu'on ait tout fait en 18 mois. Mais 18 mois, c'est le moment où l'on peut démontrer qu'on est en action. Et de ce point de vue-là, si c'est ça qu'on entend par 18 mois, ce n'est pas d'achever des réformes, mais c'est de lancer quelque chose. Et je pense en particulier à des simplifications. Alors, on parle beaucoup de simplification. Une fois qu'on a prononcé le mot simplification, les gens commencent à avoir peur, parce que la simplification conduit souvent à des usines à gaz extrêmement compliquées. Mais là, simplification, oui, et confiance et évolution forte du mode de management, du mode de pilotage, notamment des universités. Moi, je m'exprime en tant que président d'université. Au moins sur ce plan-là, j'ai trouvé que le discours du président de la République était fort et qu'il méritait d'être écouté et suivi. Dans ce discours, Boris Gralac, on entendait donc le chef d'État évoquer un sous-investissement pour la recherche française. Alors, entre l'augmentation du budget puis ces coupes annoncées, qu'en est-il aujourd'hui du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche? On en est où? Donc, si on se place par rapport à ce qu'a dit le président de la République, le constat qu'il a fait d'un sous-investissement depuis des années, on va dire depuis 20 ans, si on prend comme référence le début des années 2000, où il y a eu un engagement de la France pour un investissement dans la recherche au niveau européen. Donc depuis 20 ans, il y a eu un désinvestissement de l'État et des gouvernements successifs dans la recherche. Ce constat, le président de la République l'a fait le 7 décembre. Et là où nous sommes en désaccord, c'est que malheureusement, la trajectoire n'a pas été rectifiée depuis quelques années, malgré la loi de programmation de la recherche. Aujourd'hui, on en est toujours au même point, toujours sur les mêmes problématiques de financement de la recherche, de budget de la recherche qui stagne, qui se traduit par exemple aussi par un gros déficit dans les rémunérations des chercheuses et des chercheurs. Le président en a parlé aussi dans l'extrait que vous avez passé. Et également, on manque d'emplois, on manque de chercheuses et de chercheurs en France par ce manque de budget. Claire Mathieu, pour compléter ce que vient de dire Boris Gralac. Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alain Fuchs, sur le fait de faire confiance a priori et évaluer a posteriori. Je pense que ce serait bien de faire ça pour la LPR. La loi de programmation de la recherche, les modifications à l'université qui ont eu lieu depuis une quinzaine d'années maintenant, peut-être que ce serait bien de regarder si ça a marché, si ça a vraiment permis, par exemple, de faire progresser la recherche en France. Donc c'est peut-être le moment, au bout de 15 ans, de faire 10-15 ans, de faire une évaluation de ces réformes. Bon, sur ce qu'a dit Boris, je suis assez d'accord sur le fait que le point de référence, c'est l'engagement de Lisbonne il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, et que c'est à ça qu'il faut tendre et que c'est un pourcentage du PIB. Donc, en ce sens, si le PIB décroît, l'engagement dans la recherche va décroître. Nous participeront à l'effort de la nation dans un sens ou dans l'autre, en participant à proportion du PIB. Donc pour l'instant, effectivement, on est très en dessous et ça ne va pas s'améliorer apparemment. Boris Garlac, la part du PIB consacrée à la recherche, comment a évolué cette part ? Eh bien, elle a deux composantes. Elle a une composante dépenses publiques et une composante dépenses privées. Si on prend la somme des deux, elles étaient à peu près à 2,2% au début des années 2000, répartis à peu près à deux tiers pour le privé et un tiers pour le public. Ça, c'est la proportion aussi qui est toujours souhaitée. Et actuellement, elle a toujours plus ou moins stagné, on va dire, sous tous les gouvernements successifs, malgré la succession de lois sous tous les gouvernements qui nous ont promis un investissement inédit dans la recherche. Et donc cette proportion consacrée à la recherche a toujours stagné. Et on est encore plus inquiet depuis 2-3 ans parce que malheureusement, depuis 2-3 ans, avec l'inflation, ce qui est nouveau, avec l'inflation, il se trouve que cette inflation n'est pas compensée dans l'investissement dans la recherche, dans la dépense dans la recherche. Et donc, de façon inédite, l'effort que fait la nation dans la recherche devient historiquement bas. Voilà, depuis un an ou deux, avec l'inflation. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur les coupes annoncées, les 900 millions d'économies concernent la MIRES, la mission interministérielle, recherche et enseignement supérieur. Sur ces 900 millions, comment sont réparties ces annulations de crédits ? De quoi s'agit-il plus précisément ? Alors sur ces 900 millions, il y a 700 millions qui concernent la recherche. Donc c'est la très grosse part qui concerne la recherche. Et ensuite, 200 millions qui concernent à peu près pour moitié les universités et pour l'autre moitié la vie étudiante. Donc la partie principale, ça concerne bien la recherche, 700 millions qui sont répartis en 200 millions pour la recherche spatiale, une centaine de millions pour la recherche sur le développement durable et la mobilité durable, et 400 millions pour le programme dit des organismes de recherche. Techniquement, on appelle ça le programme 172. Et donc, ce sont eux qui sont aussi le plus fortement impactés sur ce programme. Voilà, le programme 172 qui finance donc les organismes comme le CNRS, l'INRAE, l'INSERM ou l'INRIA doit donc annuler presque 5% de son budget. Le programme 193 pour la recherche spatiale sera amputé de 10%, Alain Fuchs. Si vous l'accédez, je voudrais compléter ce que vient de dire Boris. Bien sûr, allez-y. C'est absolument exact, notamment sur les pourcentages du PIB dépensés dans certains pays. Alors, sur la France, tu as été très clair. Je voudrais signaler le cas de l'Allemagne. Le cas de l'Allemagne, voisin, où la recherche est plutôt bien financée. Le pourcentage du PIB en Allemagne, c'est 3%. Ce n'est pas 2,2, c'est 3. Comment arrive-t-il à 3%? Environ 1% d'investissement public. Et 2%, c'est le point important, d'investissement privé, des industries, etc., des PME et ainsi de suite. Alors là, on voit deux choses à travers ces chiffres. La première chose, c'est que le premier élément, c'est que nous sommes à 0,8, 0,85 pour la recherche, pour l'investissement public. Et il faudrait au minimum passer à 1. Là, c'est absolument évident. Mais, et ça, c'est le point très important, nous sommes à 1,3, 1,4 pour l'investissement privé. Et là, il faudrait parler à 2%. Donc là, on pointe quand même du doigt le fait que l'investissement privé est insuffisant en France. Ça veut dire la recherche faite dans l'industrie. L'industrie française a cessé ou finance beaucoup moins la recherche qu'elle ne devrait le faire. On est plutôt dans une ambiance d'attendre les subventions plutôt que d'investir dans l'avenir et d'investir dans la recherche, non pas de la recherche industrielle, mais de la recherche qui conduira à des innovations. Parce que on voit bien que, d'une manière générale, la recherche est source d'innovation, levier majeur de développement économique. Et ça, on est dans un pays où, finalement, si je compare juste à l'Allemagne, j'aurais pu comparer à la Corée du Sud, j'aurais pu comparer à Singapour, à d'autres pays. Aux États-Unis, au Japon, la barre des 3%, voilà, en effet. Claire Mathieu, par rapport à ces coupes, la ministre Sylvie Retailleau a précisé que ces coupes budgétaires n'auraient pas d'effet immédiat, mais quel sera l'impact sur les différents programmes de recherche qui existent? Parce qu'on peut imaginer que ce sera forcément l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui est une agence de financement qui, elle, aura peut-être moins de fonds, qui sera le plus impactée. L'ANR, c'est l'agence standard où les chercheurs vont déposer des projets pour essayer d'obtenir des financements pour pouvoir travailler, faire leurs recherches. On imagine que cette année, les gens qui déposent leur projet cette année, le budget qui leur sera donné sera plus faible. Donc on ne sait pas si ça veut dire qu'il y aura moins de projets qui seront sélectionnés ou que les projets qui seront sélectionnés recevront moins d'argent, mais certainement que le budget sera plus faible. Et puis l'autre chose, c'est que ce que j'ai entendu dire, c'est que quand les universités et les organismes ont des factures à payer, quand ils ont des factures à payer en décembre 2024, peut-être qu'ils peuvent attendre janvier 2025. Comme ça, ça fait moins de dépenses en 2024. Ça permet de tenir cette baisse. Donc ça marche un coup. Mais après 2025, on aura un problème. Ou alors on va être de plus en plus mauvais payeur. Voilà où seront les coupes. Alors pour l'impact que ça va avoir, d'abord c'est un impact sur le moral qui est très mauvais. Ensuite, il y aura moins de projets de recherche qui seront faits cette année. Donc ça fait moins de recherche, ça veut dire peut-être qu'il y aura des possibilités, des projets qui auraient pu mener à des avancées révolutionnaires qui n'existeront pas à cause de ces coupes. Je voudrais donner un exemple de recherche importante, c'est le vaccin à ARN messager. Donc, c'est ça qui a permis de lutter contre le Covid efficacement. Ça a été mis au point en 10 mois lors de l'arrivée du Covid. Ça a sauvé des millions de vies. À quoi est-ce que ça a été dû? Ça a été dû à l'insistance de chercheurs, dont en particulier Cataline Carico. Et elle avait commencé depuis 1990. Au départ, les gens n'y croyaient pas. Et en fait, cette recherche, elle a eu des problèmes pour trouver un financement, pour trouver des postes. Et c'est qu'envers 2010 que ça s'est débloqué au bout de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Et donc, en fait, là, c'est un exemple de recherche qu'il fallait financer, sinon il n'y aurait pas eu de vaccin à ARN messager. Mais c'était difficile de le financer parce que c'était imprévisible. Même les chercheurs du domaine, la plupart n'y croyaient pas à ça. Donc, ça montre une difficulté de financement de la recherche. Les gouvernements aiment bien financer des choses où ils savent que leur financement va être utile, va être fructueux. Et en fait, en recherche, il y a une impossibilité de garantie de résultat. C'est ça, la recherche. C'est la ce recherche, que montre l'histoire des sciences à chaque fois. La recherche ne se planifie pas. Ça rend un certain nombre de nos technocrates un peu fous. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont énormément de mal à comprendre. Pourtant, ça fait des décennies qu'on leur dit, voire plus. Alors, dans son discours, Emmanuel Macron a donc annoncé vouloir une révolution de la recherche en 18 mois. Est-ce réaliste? Et comment souhaite-t-il transformer l'organisation de la recherche en France? Restez avec nous, on répond à ces questions dans un instant. France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux. En direct sur France Culture avec Claire Mathieu, Alain Fuchs et Boris Gralac, nous parlons de la politique française de la recherche. On vient de parler dans le détail des coupes budgétaires annoncées, des impacts éventuels que l'on peut prévoir avec ces annulations de crédits. Lors de son discours du 7 décembre 2023, Emmanuel Macron a aussi créé un conseil présidentiel scientifique constitué de 12 membres de chercheurs et de chercheuses qui viennent de différents horizons et qui sont censés se réunir au moins une fois par trimestre. Claire Mathieu, vous avez fait partie de ce conseil pendant 15 jours. Quels en sont les objectifs et quel impact peut-il avoir? Je vous fais sourire. Bravo. Merci. Emmanuel Macron, comme tous les gouvernants, il veut dépenser l'argent de manière efficace. Donc, il aimerait pouvoir prévoir quels sont les domaines de recherche qui méritent qu'on y investisse de l'argent, quels sont les chercheurs qui, dans quelques années, feront des découvertes révolutionnaires. Et ça, il ne peut pas le faire lui-même. Il a besoin d'aide. Et donc, de ce qu'il nous a expliqué quand on l'a rencontré le 7 décembre, il souhaitait s'appuyer sur nous pour qu'on lui signale les domaines où il fallait essayer de développer la recherche en France. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était imprévisible, mais quand même, ceux qui sont le mieux à même d'essayer de prévoir quelque chose d'imprévisible, c'est les gens du domaine, quand même, malgré tout. Et bon, voilà. Donc, c'était le but, c'est le but numéro un, je pense, de ce Conseil présidentiel de la science. Et dans la mesure où les scientifiques, les chercheurs sont peu présents au gouvernement, c'est l'occasion de rapprocher un petit peu scientifiques et gouvernants ça peut être, pourquoi pas. Du moment qu'on parle, que les politiques et le gouvernement entend parler un peu plus de science, c'est toujours bon à prendre. Oui, il y a l'info que on peut faire ce constat. En France, dans la sphère politique, il y a peu de doctorants, donc peu de politiques et de décideurs qui connaissent la recherche. Oui, ça c'est absolument vrai. Sur ce conseil présidentiel, dont je suis heureux d'apprendre, Claire, que tu en as fait partie, que tu en as fait parler, tu n'y es plus, c'est ça que tu as demandé de... Tout à fait. C'est ça, oui, très bien. Ça, très bien. Oui, c'est très intéressant parce qu'on a fait encore une fois les choses à la française. Hein. Vous savez que quand on fait quelque chose qui est à peu près la même chose qu'à l'étranger, il faut toujours ajouter soit changer le nom, soit pour le franciser, soit dire qu'on fait à peu près comme à l'extérieur, mais à la française. Parce que il est assez clair que importer des choses qui se font à l'international, qui se font dans des pays qui ont fait leur preuve dans le domaine, importer des choses de l'international, c'est en général indigne du génie français. Bon. Alors là, en l'occurrence, ce qui est fait là n'est pas du tout ce qui se fait dans les grands pays anglo-saxons qui ont l'habitude d'avoir ce qu'on appelle un Scientific Advisory Board. Ça veut dire un conseil aviseur, comme on dit au Québec, un conseil aviseur scientifique, ça veut dire essentiellement quelqu'un qui est de façon permanente, une personne, qui est le scientific advisor, qui est de façon permanente là pour informer, pour donner les infos, de façon rapide, quand il y a une crise. On a vu pour le Covid, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bien, on va mettre en place un petit comité. Bon, c'est ce qui a plus ou moins bien fonctionné. L'idée n'est pas du tout de prendre des scientifiques exceptionnels absolument et de les réunir tous les je sais pas combien de temps. L'idée, c'est d'avoir une personne qui est le scientific advisor, qui est entourée de personnes qui font des analyses constamment, sur tout ce qui est en train de se passer, et notamment qui sont capables éventuellement d'anticiper des crises. Et la crise, la dernière était sanitaire, la prochaine sera peut-être nucléaire, sera peut-être je ne sais quoi, sera peut-être bactériologique, on n'en sait rien. Donc on ne fait pas du tout comme on fait à l'international, comme on fait dans les grands pays anglo-saxons. Alors on ne fait pas comme ça parce qu'il faut faire la chose à la française, mais franchement, excusez-moi de le dire, mon opinion, c'est qu'il fallait pas faire ça. Par rapport justement au pilotage de l'organisation de la recherche, selon le chef de l'État, ça passe par la transformation des organismes de recherche en de vraies agences de programme, je cite. Boris Gerlach, en quoi ça consiste et puis qu'est-ce que ça changerait dans l'écosystème de la recherche en France ? Donc ces propositions du président de la République sur la transformation des organismes de recherche, du paysage, voire des statuts, notre organisation syndicale, on les a trouvées très dangereuses pour notre part, parce qu'elles montraient, on va dire, sur certains points, une certaine méconnaissance de notre façon de fonctionner. La proposition du président de la République, c'était comme une réponse à la bureaucratie et à la complexité de notre système de recherche. Nous pensons que la complexité, la bureaucratie, ce n'est pas ça la source, ce n'est pas ça la cause, c'est plutôt le mode de fonctionnement du financement par appel à projet qui est beaucoup trop présent et qui est omniprésent et qui devrait être rééquilibré en faveur de ce qu'on appelle du financement direct des laboratoires et des établissements. Il y a plein d'autres aspects qui font que nous sommes dans un système très complexe, mais en tout cas, de notre point de vue, ce n'est surtout pas la question des organismes de recherche et le fonctionnement des unités mixtes de recherche, y compris le statut, par exemple, des chercheurs, qui serait une cause de dysfonctionnement. Donc voilà, donc on a trouvé ces propositions relativement dangereuses, on le dit, parce que c'est aussi les organismes de recherche qui font fonctionner la recherche en France, les chercheurs également qui ont une contribution très importante à la recherche, les ingénieurs, les techniciens également. Donc voilà, donc nous avons été très réservés sur cette partie du discours du président de la République et nous avons une lecture bien différente sur les solutions qu'il faut apporter à ce problème de la complexité et de la bureaucratie. Oui, cette question qui a été un peu préparée par le rapport Philippe Gillet de juin 2023 sur justement comment mieux structurer et organiser le monde de la recherche et l'innovation et comment simplifier la vie des chercheurs et des chercheuses. Claire Mathieu, que pensez-vous de la question justement de la mise en place d'agences de programme ? Sur les agences de programme, il me semble que ça a été motivé par des mauvaises expériences où il y avait la mise en place de grands projets sur certains domaines de recherche, où il y avait un peu de friction entre les divers organismes et établissements qui avaient des équipes de recherche sur le domaine. Qui est-ce qui allait s'en charger, distribuer l'argent aux autres, centraliser les choses? Comment allaient se partager les responsabilités. Donc l'idée d'avoir de choisir à l'avance un organisme ou un établissement qui serait celui qui serait responsable pour mettre tout le monde autour de la table et faire cette répartition, pourquoi pas. Bon, ça rajoute une couche, ça peut complexifier les choses aussi. Mais après tout, pourquoi pas, par exemple, le CNRS en charge de tout ce qui concerne le climat. Bon, je dois dire que nous les chercheurs de base, pour ainsi dire, ça nous passe un peu au-dessus. C'est-à-dire que nous, ce qui est beaucoup plus gênant pour nous, c'est pas est-ce que ça va être piloté par X ou par Y, c'est vraiment dans notre quotidien, on a des problèmes bureaucratiques dans le quotidien. Et ce que j'observe en France, c'est que ces réformes constantes, on pourrait faire que quand on se retrouve avec nos collègues au coin café, on a tendance à parler de la dernière réforme ou de la prochaine réforme, du prochain budget ou du dernier, des coupes de postes ou des nouveaux postes, où il y a toujours des changements. Alors qu'aux États-Unis, j'ai travaillé 10 ans aux États-Unis, au coin café, on parlait de le dernier article qu'on a lu, le dernier exposé scientifique qu'on a écouté et qui était intéressant. Donc je trouve que ces réformes constantes, depuis que je suis rentrée en France, il y en a sans arrêt, ça crée beaucoup d'instabilité, de défiance. On a besoin d'un peu de sérénité pour pouvoir faire notre travail de recherche. Oui, puis par ailleurs, Claire Mathieu, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je le disais, le troisième plus impacté par ces coupes budgétaires, ça montre aussi que l'Enseignement supérieur et la Recherche, c'est la variable d'ajustement. Alors ça, c'est très dommage. Je ne suis pas sûre que nos gouvernants soient vraiment convaincus que la recherche est vraiment, véritablement, une priorité nationale. C'est-à-dire, nous, chercheurs, on en est convaincus. Évidemment, c'est notre monde. Mais je ne suis pas sûre que, dans la société en général ou au gouvernement, les gens en soient convaincus. Par exemple, que le laser qui est utilisé tous les jours dans plein d'applications, comme les codes-barres jusqu'à l'ophtalmo, ce soit, au départ, dû à la recherche fondamentale en physique. C'est ce lien, il faut accepter qu'il soit un peu distendu dans le temps. Mais si on est convaincu que la recherche est absolument impérative pour l'avenir du pays, on ne peut pas en faire une variable d'ajustement, comme vous dites. Alain Fuchs. Ce à quoi le chef de l'État faisait allusion, je crois, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est le fait que beaucoup de choses ont changé dans le paysage de l'enseignement supérieur de la recherche en France, notamment depuis 10 ans, vous l'avez signalé tout à l'heure, on dit 10 ans, ou peut-être un peu plus, 10-15 ans. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les relations entre les différentes entités ? Le système français est toujours caractérisé par une sorte de juxtaposition entre des entités qui sont des universités, des entités qui sont des grandes écoles, des entités qui sont des organismes nationaux de recherche. Il y a une histoire liée à ça, qui est ce qu'elle est. Enfin voilà, on peut la retracer éventuellement, mais on n'a pas beaucoup de temps ici pour le faire. Mais le fait est que pendant assez longtemps, si je considère le cas des universités et organismes nationaux de recherche, universités et grandes écoles d'un côté, et organismes nationaux de recherche, pendant longtemps, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on avait séparé en quelque sorte les tâches où l'université se préoccupait de formation et les organismes nationaux de recherche, comme leur nom l'indique. Et ça, c'était plutôt bien, parce que sans les organismes nationaux de recherche, et sans notamment le CNRS que j'ai présidé un certain temps, eh bien, tout simplement, la recherche française n'existerait pas, il faut bien le dire. Cette recherche scientifique, dans les années de l'après-guerre jusqu'à la fin du siècle notamment, elle ne pouvait pas, les universités exsangues n'avaient absolument pas le moyen de la développer. Et c'est ce qui a conduit au développement. Donc, de là à ce que l'on garde l'idée aujourd'hui, alors que le paysage a changé, alors qu'il existe aujourd'hui des universités intensives en recherche. Ça, c'est la grande nouveauté, grâce au fait qu'on a des UMR et grâce au fait que les organismes de recherche se sont installés dans l'université. Ça s'est passé dans les années 80, c'était très bien. On ne peut plus rester dans l'idée, qui a fonctionné pendant un certain temps, comme quoi les universités vont s'occuper des étudiants et les organismes de recherche s'occuperont de la recherche. Ça, c'était le modèle qui a fonctionné, bon an, mal an, qui a fait que la France est encore un pays de recherche, un pays de science, mais il faut tenir compte, je pense que c'est à ça que faisait allusion le président de la République, enfin j'imagine que c'était à ça, que c'est comme ça que je l'ai entendu. Il faut maintenant considérer le fait que des choses ont changé, qu'il existe au moins une dizaine d'universités intensives en recherche. Ça veut dire que les relations avec les organismes doivent évoluer. Il s'agit évidemment en aucune manière de transformer les organismes de recherche ou le CNRS, de le faire disparaître dans l'atroce souffrance ou de je ne sais quoi. Ces organismes sont dans le paysage, ils doivent contribuer à des rapprochements qui d'ailleurs sont en train de se faire. Donc moi, je suis plutôt optimiste parce que ce que demande au fond l'État, c'est que on tienne compte de ces évolutions de ces dernières années et que on s'ajuste les uns les autres pour être plus efficaces. Moi, j'y crois. Voilà. Boris Gralac, sur cette question justement du renouvellement des relations avec les organismes de recherche et de ces universités de recherche intensive. Aujourd'hui, on estime qu'on a dans notre organisation syndicale qu'on a un système de coordination entre universités et organismes de recherche qui se fait principalement à travers ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche, donc qui sont copilotées par les universités et les organismes de recherche en général. Il peut y avoir d'autres acteurs, mais que ce système est assez harmonieux actuellement. Alors on peut toujours avoir des améliorations, on va dire peut-être sur les règles de gestion qui pourraient être harmonisées, sur alors que ce soit financière ou RH, ou voilà des outils numériques, si on pouvait en avoir moins au sein d'une même unité de recherche, bah ça serait plus simple peut-être pour les gestionnaires qui les utilisent, hein, si elles doivent utiliser un seul logiciel plutôt que trois ou quatre, bien entendu. Donc il y a des marges de progression, mais c'est vraiment cette synergie qui a été organisée sur des dizaines d'années depuis les années 80 entre organismes de recherche et universités au sein des UMR. Nous, on pense que c'est une vraie richesse, une vraie spécificité qui apporte beaucoup de choses à notre système de recherche et d'enseignement supérieur et qu'il faut le préserver et s'appuyer dessus comme un atout. Préserver, tu es d'accord, Boris ? Et réajuster, parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y a des améliorations à faire, je l'ai dit. Claire Mathieu. Peu après son arrivée comme ministre, Sylvie Retailleau avait dit qu'elle voulait travailler par petites touches. Et ça me semble une très bonne idée d'aller regarder dans le détail ce qui ne marche pas et de faire des ajustements au laser pour essayer de vraiment enlever les dysfonctionnements qui sont très locaux à une application, une discipline, un problème particulier. Et ça, je pense que petite touche par petite touche, ça pourrait vraiment améliorer notre quotidien. On va prendre un peu de recul à présent. Est-ce que l'on peut dire que la recherche française tend vers un décrochage qualitatif et quantitatif? Et si oui, quelles en sont les raisons? Restez à l'écoute. We gotta live on science alone now. Yeah, oh, I am a scientist. Yeah, oh, I am a scientist. Yeah, oh, I am a scientist. We gotta live on science alone now. Religiously, the science, 'cause we gotta live on science alone now. I tell you what, mathematically I'm having it. I wanna live on science alone now. Yeah, oh, I am a scientist. Yeah, oh, I am a scientist. Yeah, oh, I am a scientist. We gotta live. The Dandy Warhols, Scientist, en direct sur France Culture, car on s'interroge sur le devenir des scientifiques et de la recherche française à l'issue des coupes budgétaires annoncées. On en parle avec nos trois invités du jour. Claire Mathieu, informaticienne, directrice de recherche CNRS, médaille d'argent 2019 du CNRS et membre de l'Académie des sciences, avec Alain Fuchs, président de l'Université Paris Sciences et Lettres et ancien président du CNRS, et Boris Gralac, secrétaire général du syndicat de la recherche scientifique. On vient de voir que le budget alloué à l'enseignement supérieur et la recherche est vu augmenter de 1,2 milliards d'euros en septembre, puis avec le décret du 21 février dernier, a été victime d'une coupe de 900 millions d'euros. Alors les conséquences de ces coupes budgétaires restent encore floues à ce jour, ce qui pèse lourdement dans l'organisation des travaux de recherche qui dépendent de ces crédits. Pour le reportage du jour, vous êtes allé à l'Institut de systématique évolution biodiversité du MNHN pour comprendre comment ce décret accroît encore plus la pression sur les recherches et le moral des chercheurs. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha, oui, le désarroi est bien total. J'ai retrouvé Lucie Bittner, directrice de recherche, dans son laboratoire qui déjà donne un aperçu des conditions de travail. Un bâtiment très mal isolé, un manque d'espace et d'équipement, mais qui n'entrave pas sa motivation pour son domaine de recherche, les micro-organismes marins, entre biologie, écologie et évolution. Gardant son optimisme, elle regrette pourtant que la passion reste souvent le seul moteur pour continuer à avancer. Dans un contexte où la précarité, la pression et surtout le manque de reconnaissance des politiques progressent inexorablement. Je pense qu'il y a un problème global de reconnaissance et de valeur des gens et de leur travail. Et c'est toujours une déception, évidemment. On adore notre métier, on s'est engagé là-dedans parce qu'il y avait de l'émerveillement et de la passion au départ. Ensuite, on donne énormément au quotidien. Et donc on a toujours une tendance à se comparer par exemple à ce qui se passe dans les autres pays, etc. Et c'est vrai que proportionnellement, mais comme les professeurs des écoles, les instituteurs, les institutrices, les personnes qui travaillent dans la santé, on a vraiment l'impression d'être moins reconnus, en tout cas du point de vue des salaires. Bien sûr, par contre, on a la sécurité de l'emploi. Mais c'est sûr que ça rajoute du poids en plus sur les épaules au quotidien. On ne sait pas concrètement vers où on va. Mais c'est des principes auxquels on n'adhère pas, tout simplement. Est-ce qu'il y a des programmes, des projets de recherche dans lesquels vous êtes engagés qui vont être impactés par cette carence de budget à venir ? On sait que l'écologie est lourdement impactée par ces restrictions et vous travaillez en écologie marine notamment. Comment ça va se traduire ? Est-ce que vous avez déjà eu des informations à ce sujet ? Alors, les projets en cours où on a déjà eu des crédits, en fait, là, normalement, les crédits, par exemple par l'ANR ou d'autres appels à projets, ceci, normalement, l'argent est déjà engagé. Mais par contre, effectivement, pour les projets qu'on compte poser cette année, pour les appels 2024 et les années suivantes, on est persuadé que déjà, c'est très compétitif, en fait, d'obtenir des crédits, mais on pense que, voilà, le taux de réussite va être encore moins grand. Par exemple, moi, je suis plutôt du côté de l'université. Et on a des mots d'ordre, évidemment, voilà, des présidents et des présidentes, en général, que déjà, on va au-delà des dépenses actuelles, parce que l'électricité augmente, toutes les charges augmentent. L'inflation, donc les charges augmentent. Donc ça, de manière mécanique, c'est la même chose, en fait, pour n'importe quelle structure. On se demande encore une fois comment est-ce qu'on va faire autant, voire plus, avec moins. Et c'est les mêmes problèmes, je pense, encore une fois, par exemple, que les hôpitaux. Et je pense que ce qui est le plus préoccupant en général, c'est on croit à un modèle, on pense que le modèle français est bon. Je suis persuadée que la majorité des chercheurs, des enseignants-chercheurs et enseignants-chercheuses, en France, on est vraiment privilégiés, parce qu'on a la sécurité de l'emploi. On a donc du temps devant nous et du temps de cerveau. Le plus important pour moi, c'est vraiment le temps de cerveau. Par exemple, juste quand on obtient une bourse de thèse, pour moi, c'est génial de se dire je vais pouvoir donner 3 ans, ou 2 ans et demi, on va dire plus ou moins, de temps de cerveau à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur. C'est quelque chose de... ça n'a pas de prix pour moi. Mais donc, toujours essayer de faire plus avec moins, ça a un impact psychologique qui est énorme. Donc, c'est ça qui est le plus dur. Oui, parce qu'il y a des limites à l'adaptation, bien sûr, et quand on parle des jeunes et des ouvertures de postes, que ce soit pour les doctorants, post-doctorants et jeunes chercheurs, là, on savait qu'il y avait très peu de recrutement, avec parfois des années avec zéro embauche au point de vue du CNRS. Ouais. Là, on se dit que ça va encore étioler cette capacité de recrutement. C'est sûr que c'est un très mauvais signal. Ensuite, j'essaie de prendre du recul et je pense que... Moi-même et même les quelques générations avant moi, on a tous grandi, on a fait nos études, on a commencé ce parcours, on nous a dit « il n'y a pas de place, il n'y a pas de débouché ». Mais mécaniquement, il y a une sorte de filtre qui va se faire. C'est les plus résilients qui vont rester ou ceux qui arrivent à avoir autre chose à côté, ceux qui arrivent à prendre leur temps et tout. Donc malheureusement, ça a toujours été quelque chose de compétitif, alors que ça ne devrait pas l'être. Parce que pour avoir des idées, pour faire de la bonne recherche, pour moi, on doit être dans de bonnes conditions qui sont plutôt dans du mutualisme que dans la compétition. Et donc c'est dur de se dire... Ce qui me fait mal au cœur, en fait, c'est que j'ai vu, par exemple, des collègues en enseignement et en recherche qui, ont construit des choses pendant des dizaines ou des quinzaines d'années et que du jour au lendemain, il va y avoir une décision qui va être prise de manière hiérarchique pour des questions politiques, qu'il faut tout changer, qu'un sujet est plus important qu'un autre, et si en plus on peut être dans un contexte où on a moins d'argent, finalement il y a pas mal de choses qui disparaissent. Et donc moi je fais assez le parallèle, je me dis que finalement c'est de la souffrance au travail et qui est une non-reconnaissance. Le plus gros problème c'est la non-reconnaissance, on demande toujours plus à des gens dont les conditions en fait, de travail se dégradent, et ça tient plus qu'à la bonne volonté des gens, en fait, et avec des bouts de ficelle. C'est ça, pour moi, le plus dangereux. Quand on pense, par exemple, à l'écologie, le fait qu'on baisse les budgets pour des questions qui sont cruciales dans l'urgence actuelle dans laquelle on est, on nous demande, par exemple, de former, de participer à la formation des hauts fonctionnaires de l'État d'ici à fin 2024. Et donc, c'est géré, par exemple, par le CNRS. Il y a eu un appel sur les chercheurs et enseignants-chercheurs pour venir participer, en fait, à ce type d'activité. C'est extrêmement enrichissant. Personnellement, voilà, je suis dans le comité scientifique au niveau de l'Île-de-France. Mais tout ça tient sur la bonne volonté. C'est-à-dire, on n'est pas payé de manière supplémentaire. On n'a même pas les transports qui sont réglés. Et les gens qui organisent ceci au CNRS, c'est des personnes qui sont là pour un an sur des CDD. Pour moi, c'est des points qui sont cruciaux, mais on n'en donne pas les moyens. Et encore une fois, les CDI, c'est très bien, mais un CDI de quelqu'un qui souffre, ça ne règle pas la situation, en fait. Merci, Céline Lozen. Boris Gralac, une réaction à ce témoignage ? Oui, ce témoignage, il fait écho évidemment à beaucoup de choses dans notre milieu. Moi, ce que je pense qu'on peut retenir, c'est que d'une part, le système y tient parce qu'il y a une passion pour la recherche d'une jeune chercheuse dans ce cas-là et des chercheurs en général. Cette passion pour la recherche, pourquoi on peut la développer ? Parce qu'il y a quand même des atouts dans notre système. Ces atouts, c'est la liberté de recherche qu'on peut réussir à avoir, et c'est cette liberté de recherche, on l'a dans notre système en France. Parce qu'il y a aussi un statut de chercheur, d'enseignant-chercheur, qu'on acquiert relativement jeune, et donc qui permet de développer ses recherches en toute liberté et de façon relativement indépendante. Ce qu'on entend aussi dans ce témoignage, c'est une problématique de conditions de travail très difficiles, et également de manque de reconnaissance. Et donc ça, évidemment, c'est en lien très fortement avec toutes les baisses de budget dont on parle depuis le début. On entend bien des collègues qui n'ont pas les moyens de travailler, qui manquent de reconnaissance, des problèmes de rémunération et donc d'attractivité. Donc voilà, ce témoignage, il résume par tous ces aspects pas mal de problématiques que nous rencontrons, en plus, en positif et en négatif, dans notre système. Et on voit pourquoi ça tient encore, mais quels sont les graves dangers que nous rencontrons, en particulier à cause du budget. On entendait aussi dans ce témoignage une évocation de comment ça se passe chez les pays voisins. Claire Mathieu, la France, si on la compare à d'autres pays européens, elle est aussi en recul par rapport justement à l'investissement de politique dans la recherche. Oui, c'est vrai. Il y a un recul d'une part lié à la montée en puissance de la Chine, bien sûr, mais même par rapport à d'autres pays européens. La France est en recul, la recherche en France, c'est indéniable, on en fait l'observation. J'ai beaucoup aimé ce témoignage qui semble vraiment de la réalité de la vie du chercheur. Je voudrais y faire écho en disant que pour ma part, quand j'étais jeune chercheur au CNRS, j'aime beaucoup le CNRS. Et quand j'étais jeune chercheur, j'ai beaucoup apprécié la liberté dans l'emploi du temps qui m'a permis d'être parent, d'avoir des jeunes enfants et de trouver un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle à ce moment de la vie qui peut être assez compliqué. Et puis, le fait de ne pas avoir d'enseignement obligatoire a été l'occasion pour moi de faire de nombreux séjours à l'étranger dans le domaine qui m'intéressait, donc surtout aux États-Unis pour l'essentiel. Et c'est vraiment ça qui a été fondamental pour la construction de mon programme de recherche, ma recherche personnelle. Donc, je ne serais pas en recherche ce que je suis maintenant si je n'avais pas eu la liberté de faire ces longs séjours de manière répétée à l'étranger dans les meilleurs laboratoires. Donc, j'aime beaucoup le CNRS et donc la situation de la France, je considère qu'on a vraiment des positions qui sont des atouts. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vois mes jeunes collègues au CNRS, on recrute quand même des étrangers. Hein. Au CNRS, je parle du CNRS parce que c'est ça que je connais le mieux. On en recrute, je crois, à peu près un tiers, il me semble. 30%, voilà. Donc 30% des personnes recrutées au CNRS sont des étrangers. Mais ce que je vois autour de moi, c'est des jeunes collègues étrangers qui viennent, qui restent un petit peu. Et après, il y en a qui partent. Pourquoi ? Soit pour aller dans le privé, soit pour aller à l'étranger. Pourquoi ? Parce que, en région parisienne en tout cas, donc ceux qui sont autour de moi, ils sont en région parisienne, à partir du moment où ils pensent à fonder une famille, ça ne marche plus. Donc le salaire, il y a eu un décrochage salarial et qui en est arrivé à un niveau où ça ne passe plus maintenant. Voilà. Et dans ce que j'ai entendu, par ailleurs, je veux quand même dire un mot sur la chute des crédits pour la recherche sur l'environnement, c'est terrible. Actuellement, dans l'urgence climatique actuelle, c'est terrible à entendre. Je reviens à ce que vous dites sur les conditions de travail. Petite information, en effet, hein, le salaire d'un maître de conférence en France, c'est entre 2100 et 3800 euros brut par mois, contre 3900 à 4800 brut par mois en Allemagne. Alain Fouque, sur cette question justement hein, du risque de fuite des cerveaux, la question des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur avec... La question, je confirme vraiment que la question des rémunérations est absolument centrale. Elle est même très aiguë. Les rémunérations ont peu évolué, elles sont trop basses, ça fait aucun doute. Et dans un système d'enseignement supérieur qui est maintenant complètement mondialisé, enfin, il n'y a pas plus mondialisé que l'enseignement supérieur à la recherche, et c'est très important. C'est très important parce que ça permet la circulation des cerveaux et des idées, et qui est à la base de toute la recherche scientifique notamment, et de l'éducation supérieure. Bon. La comparaison du coup avec les rémunérations de nos collègues à l'étranger, elle est totalement criante parce qu'on les connaît, parce qu'on travaille avec eux et qu'on voit très vite, soit parce qu'on collabore avec des collègues à l'étranger, soit, comme vient de le dire Claire, parce qu'on voit arriver des jeunes chercheurs de très grande qualité qui postulent, parce qu'ils postulent au CNRS par exemple, comme tu viens de le dire, parce qu'il y a des postes, parce que, etc., des postes permanents, et puis qui voilà, se rendent compte qu'au bout d'un moment, les rémunérations ne sont pas à la hauteur, si on veut fonder une famille, etc., etc., les logements, voilà. Puis il y a eu l'inflation en plus, tout ça n'arrange rien. Et ce à quoi je ne croyais pas beaucoup dans mes premières années en tant que président du CNRS, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, je disais surtout qu'à ce moment-là, je pense que c'était vrai, c'est que ce qui était important, c'est la circulation. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de collègues qui partent à l'étranger, il faut que certains reviennent, il faut que d'autres... Donc il faut que ça circule. Et que la France, de la recherche et de l'enseignement supérieur, continue à être une sorte de hub de circulation des cerveaux et des idées. Mais ça, c'est aujourd'hui véritablement en danger, notre plus grand danger en termes de recul, en termes de présence dans l'enseignement supérieur et la recherche internationale, c'est bien que... Au bout d'un moment, eh bien, les meilleurs cerveaux, les plus actifs, les plus agiles, s'en aillent et ne reviennent pas. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans les questions qui touchent hein, l'informatique, intelligence artificielle, etc. On voit les entreprises des GAFA venir recruter chez nous. On voit des gens partir. On n'est pas sûr qu'ils reviennent. Donc aujourd'hui, la question de la rémunération touche directement à celle de la fuite des cerveaux. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça. Mais par rapport au positionnement de la France dans le domaine de la recherche au niveau international, d'un côté, on nous parle d'une perte de vitesse, de l'autre, d'une stagnation, voire une progression. Boris Garlac, finalement, la recherche française, elle est en recul ou elle est en progression ? Eh bien, nous considérons qu'il y a un certain décrochage de la recherche française par rapport à ce qui se fait dans les grandes nations scientifiques. Après, c'est quand même difficile de mesurer ou de quantifier ce décrochage, mais alors, sur quels critères on peut se passer ? Après, les critères sont toujours réducteurs. Ils ne disent que ce qu'ils disent. Mais pour nous, les critères, principaux, on peut dire déjà l'investissement, tout simplement. On en a parlé pendant tout le début de l'émission. L'investissement en pourcentage de la richesse nationale, pour nous, c'est un critère. Et si cet investissement, il ne suit pas, s'il décroche par rapport à celui en Allemagne, notre principal voisin, les États-Unis, le Japon, la Corée. Eh bien, nous décrochons du point de vue de ces investissements, ça a des répercussions. Ça a des répercussions, on vient de le dire à l'instant, on n'arrive pas, avec ce manque de budget, on n'arrive pas à rémunérer correctement nos chercheuses, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens. Et donc, on perd en attractivité. Donc, ça veut dire qu'il y a des collègues qu'on aimerait bien, qui travaillent dans la recherche en France ou dans la recherche tout court, et qui ne travaillent plus dans la recherche, et qui vont ailleurs, même dans d'autres administrations ou dans d'autres métiers en France. Il y a la question du nombre. Un critère, c'est le nombre de chercheuses et de chercheurs qu'il y a en France et d'agents dans la recherche. Si on prend par exemple le CNRS que nous connaissons bien, le CNRS sur subvention d'État, donc sur la subvention qu'il reçoit du ministère directement, il a perdu 10% de ses emplois depuis 2010. 10%. Donc ça veut dire qu'il y a moins de chercheuses et de chercheurs au CNRS, il y a moins de personnel d'appui et de soutien, et donc s'il y a moins de gens qui font de la recherche, eh ben on fait moins de recherche, tout simplement. Donc voilà, on peut prendre tous ces critères-là, on peut aussi prendre le critère des doctorantes et des doctorants. Le nombre de doctorantes et doctorants formés chaque année en France, il commence à baisser depuis 10 ans également. Le nombre de diplômés, le nombre de premiers inscrits et le nombre de doctorants tout simplement en formation. Tout ça, ça baisse. Et donc quand tout ça, ça se réduit, eh bien oui, nous, sur cette base-là, on peut faire un constat d'un décrochage par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres grandes nations scientifiques. En effet, hein, ce nombre de doctorants, ça va aussi accélérer le décrochage de toute la recherche en France, selon vous, à la Fousse ? Oui. C'est décrochage, effectivement. Il faut regarder les choses d'un peu plus près. Si je vous dis que la recherche et l'éducation supérieure sont centrales et nécessaires dans le développement des sociétés, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça, mais certains le sont plus que d'autres, parce que nous, on se repose un peu sur nos lauriers, la France est un grand pays de science, et on a l'habitude, j'allais dire, on a presque l'habitude de sous-financer la recherche, hein, d'accord ? Finalement, les chercheurs s'en tirent, quand on a un prix Nobel, on sort les trompettes, enfin voilà, on s'aperçoit quand même que, à l'Académie des sciences, il y a des gens formidables, dont tu fais partie, etc., etc. Mais ce que je viens de vous dire, tout le monde est d'accord, le président de la République le sera également, mais dans un certain nombre de pays, et notamment en Asie, on prend ça très au sérieux parce qu'on sait que la recherche est source d'innovation, un levier, un moyen de développement économique énorme. Et donc, du coup, on surinvestit. Alors, je dirais, en première approximation, c'est que nous stagnons essentiellement pendant que les autres nous dépassent. C'est quand même ça qui est en train de se passer. Et ça, globalement, ça contribue à un décrochage. Je crois que c'est assez clair. On le voit effectivement dans l'investissement. On le voit dans le pourcentage du PIB qui est consacré à l'enseignement supérieur à la recherche. C'est très clair. D'ailleurs, à propos d'investissement, Boris Gerlach, en effet, on l'a évoqué en début d'émission, pour Emmanuel Macron, le privé n'investit pas non plus assez. Il aimerait augmenter l'investissement privé, mais selon vous, c'est quelque chose de dangereux ? Non, nous ne pensons pas que c'est spécialement quelque chose de dangereux. Que ça dépend de ce qu'on appelle investissement dans du privé. Le privé, c'est important que les acteurs privés investissent dans la recherche et développement. Nous partageons cet objectif de 2% d'investissement par les acteurs privés dans la recherche et développement. Donc il faut 2% côté privé et 1% côté public. Là où il peut y avoir un danger, si on se réfère à ce que dit le président Emmanuel Macron, nous, ce qui nous a inquiétés, c'est quand il a souhaité que le secteur privé contribue plus au financement de l'enseignement supérieur et à la recherche publique. Donc là, à ce moment-là, oui, on commence à avoir une inquiétude, notamment pour l'enseignement supérieur, où on pense que l'enseignement supérieur doit être financé totalement par le secteur public. Après, dans la recherche, nous ne sommes absolument pas opposés à ce qu'il y ait des partenariats entre des entreprises privées et des laboratoires publics. Tout le monde doit travailler ensemble et ça, donc, tout le monde y est bien entendu favorable. Ça fait partie du transfert des connaissances dans un sens et dans l'autre. C'est essentiel pour que il y ait une innovation et qu'il y ait un développement économique. Mais voilà, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans les échanges avec la société. Il n'y a pas que les échanges avec les partenaires économiques. Voilà, garder un équilibre entre investissement public et privé pour garder une liberté de la recherche et puis voilà, ne pas avoir une optique de rentabilité à court terme, on l'a dit tout au long de cette émission. À long terme, on peut montrer que la recherche est rentable. Merci. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique Avec Science. Merci Claire Mathieu, merci Alain Fuchs et merci Boris Gerlach de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et là tout de suite, c'est la chronique Avec Science. Merci. Comment améliorer le diagnostic et le pronostic de la maladie de Charcot, qu'on appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, une maladie causée par la destruction de deux populations de neurones moteurs. Ce sont les cellules qui font transiter l'influx nerveux entre le cerveau et la moelle épinière, et entre la moelle épinière et les muscles, soit les deux étapes cruciales du contrôle de ces muscles. Lorsque ces cellules se détruisent, progressivement, le message nerveux circule de moins en moins bien, ce qui aboutit à des paralysies paralysie qui touche d'abord un membre ou la zone buccale en fonction de la forme de la maladie, avant de progresser irrémédiablement vers une atteinte de tous les muscles, y compris de ceux contrôlant la fonction respiratoire. C'est donc une maladie grave, très grave, qui évolue rapidement, pour laquelle il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement, et son diagnostic prend aussi énormément de temps. Caroline Rouault est chercheuse INSERM au Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg et dernière autrice de cette étude parue dans Science Translational Medicine. Le diagnostic est ni facile ni rapide parce que déjà il n'y a pas de biomarqueur moléculaire qu'on pourrait aller mesurer dans le sang. Ensuite, parce que il faut voir les deux types de signes, donc la perte des neurones moteurs supérieurs et inférieurs. La difficulté aussi, c'est que la maladie est très hétérogène. Donc, les patients vont se présenter avec des combinaisons de signes qui sont différentes. Donc, on peut avoir initialement des signes uniquement qui ont trait à la perte du motoneurone spinal. Et puis, dans un deuxième temps, des signes qui ont trait à la perte des neurones corticospinaux. On peut avoir un des signes dans un membre et un autre signe dans l'autre membre. Donc, en général, tout ça, ça prend énormément de temps. Pour poser un diagnostic, il faut en moyenne 17 mois. Il faut 17 mois au neurologue pour s'assurer qu'effectivement, on a bien une sclérose latérale amyotrophique et pas une maladie qui pourrait la mimer, qui résulterait uniquement de la perte des neurones corticospinaux ou uniquement de la perte des motoneurones. 17 mois pour s'assurer que la SLA est bien une SLA et pas une autre pathologie neurodégénérative. Donc, l'enjeu, c'est de trouver un moyen de raccourcir ce délai. Dans cette étude, ces scientifiques ont eu recours à une technique indolore, non invasive et peu coûteuse, l'EEG, l'électroencéphalographie, des électrodes posées sur le crâne qui permettent de mesurer l'activité électrique dans le cerveau sous forme d'ondes. En l'occurrence, celles qui nous intéressent ici sont les ondes θ et gamma. θ qui reflète l'activité des neurones excitateurs et les ondes gamma, côté cette fois neurones inhibiteurs. Résultat, il y a une signature de ces deux ondes cérébrales, une hyper-excitabilité corticale qui pourrait servir d'outil pronostique et diagnostique. Ce couplage θ-gamma est fortement diminué à la fois dans les modèles murins de la maladie, mais également chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique qui avaient déjà été diagnostiqués. Si on compare un groupe de 26 patients à un groupe de 26 personnes saines, on a un effet qui est significatif. Si, dans un deuxième temps, on sépare les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique entre ceux qui progressent lentement et ceux qui progressent rapidement, on se rend compte également que le couplage θ-gamma est beaucoup plus affecté chez les patients qui progressent rapidement. Donc nous, ce qu'on estime à l'heure actuelle, c'est que potentiellement, ce couplage θ-gamma pourrait être un marqueur pronostic de la maladie, c'est-à-dire qu'il pourrait permettre d'évaluer la rapidité d'évolution de la maladie. Ce qu'on a appris également en observant cette fois-ci des données chez des animaux, donc dans des modèles de souris qui miment la sclérose latérale amyotrophique, c'est que ce découplage θ-gamma, il est présent extrêmement précocement, longtemps avant l'apparition des symptômes moteurs. Possiblement, ce découplage θ-gamma pourrait également servir d'outil diagnostique. C'est un premier pas, ces résultats doivent être confirmés en étudiant la présence de cette signature chez des personnes porteuses de mutations génétiques présymptomatiques. Et aussi, il faudra s'assurer que ce découplage d'ondes cérébrales est bien spécifique de la maladie de Charcot. In fine, cela permettrait de diagnostiquer plus tôt la maladie, de s'assurer d'une prise en charge plus précoce et donc meilleure, ainsi que, et c'est essentiel, d'orienter des patients vers des essais cliniques au premier stade de la maladie. Reste à comprendre si cette hyper-excitabilité est une cause ou une conséquence de la maladie. Et si c'est une cause, une piste de traitement pourrait être envisageable en freinant cette suractivation du cortex moteur. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.